professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Y avait-il une industrie du verre à Pompéi? Que pouvons-nous savoir des vanniers et des fouleries dans la cité campanienne? Quelle était l'importance de l'artisanat lié au cuir? Où étaient installés les parfumeurs? En sait-on plus sur les ateliers des peintres que sur les maçons mobiles et invisibles? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous propose un état des lieux des découvertes et des connaissances autour de l'artisanat à Pompéi. Depuis le cours précédent et jusqu'à demain, il nous propose un tour d'horizon des métiers et des hypothèses que l'on peut tirer des sources archéologiques, des peintures, des contenants, des amphores, des déchets absents ou très présents pour évaluer l'essor économique de la cité et de ses industries et aborder la vie quotidienne des travailleurs. Dans une interview donnée à La Vie des idées, Jean-Pierre Brun rappelle l'évolution considérable de sa discipline. Et je le cite, « Les archéologues du XIXe siècle s'intéressaient principalement aux œuvres d'art et éventuellement aux batailles parce que c'était une grande époque de bataille. On fouillait donc des forteresses, des temples et des champs de bataille éventuellement. Nous nous sommes intéressés au cours du XXe siècle à quelque chose qui devenait prépondérant dans notre vie, c'est-à-dire la vie économique. » On a donc développé des techniques pour essayer de reconstituer l'évolution économique de l'Antiquité en étudiant les amphores qui servaient à transporter du vin, de l'huile ou des conserves de poissons. Dans sa leçon inaugurale donnée au Collège de France en 2012, Jean-Pierre Brun marque aussi son attachement à l'étude de l'archéologie de la production, secteur fondamental selon ses mots, car il embrasse l'infrastructure de la société et restitue les vestiges laissés par les gens du peuple qui n'ont ni le pouvoir ni la culture pour fournir des témoignages écrits. Il s'agit donc de compenser un biais permanent de l'histoire en faveur des dominants et des franges marginales de l'activité économique telles le commerce des biens de luxe, éclatant et bruyant. Il faut donc s'efforcer, dit encore Jean-Pierre Brun, de contrebalancer le poids des couches supérieures de la société par l'étude des masses rurales et urbaines dans leurs fonctions de production. L'archéologue rappelle encore que la croissance dans l'Antiquité comme aujourd'hui est le fruit d'une évolution profonde de la population, de son bien-être et de son éducation qu'on peut entrevoir au travers de l'habitat, des lieux et des formes du travail, de l'alimentation et de l'état sanitaire. Enfin, dans une interview récente, notant encore l'évolution des questions posées au passé, Jean-Pierre Brun souligne notre intérêt pour les crises et comment ce questionnement peut influencer les fouilles. Du coup, des périodes tardives qui étaient négligées sont minutieusement étudiées aujourd'hui et nous essayons de voir comment les populations se sont adaptées au changement, nous dit-il. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 octobre 2016 pour le cours de Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi, aujourd'hui panorama de l'artisanat. Dans la partie sud de la ville, lors des recherches effectuées par Steven Ellis en 2012, un four de potier a été mis au jour. Il s'agit d'un four circulaire, allant à landier et chambre de chauffe, dont la saule était soutenue par un pilier central. Selon le fouilleur, il aurait été construit vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ et aurait fonctionné jusqu'au début du Ier siècle avant Jésus-Christ. Cette chronologie me paraît bien longue pour un four qui subit de nombreuses contraintes thermiques et doit être souvent réparé. La seule certitude est qu'il a servi à cuire des gobelets à parois fines de type Marabini III et Marabini IV, qui sont datés au plus haut dans le troisième quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. Une datation dans la seconde moitié du IIe siècle me paraît donc plus probable et une durée d'utilisation d'un demi-siècle plus vraisemblable. Dans la même zone, un autre four nettement postérieur a été découvert dans la maison 1-5-2 datée de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Il produisait notamment des marmites destinées à la cuisson des mets. Enfin, deux ateliers étaient en fonction au moment de l'éruption. Le premier est situé dans les sous-la 20 au numéro 3, à 50 mètres de la Porta Nocera, que vous voyez ici. Il a été dégagé en 1959 et les fouilles ont été complétées en 1979. L'atelier, qui mesure environ 11 mètres par 9, comporte quatre pièces, incluant deux fours et un bassin de décantation d'argile. Vous voyez ici les deux fours. On connaît sa production au moment de l'éruption du Vésuve, car le four 1 contenait en effet 24 moules de lampe, dont un à deux becs, et le four 2, une pile de 61 lampes et 123 petits pots cylindriques interprétés comme des godets pour lancer les dés. En fait, il est probable que cet atelier produisait d'autres formes de vases. Les fouilles conduites à la fin septembre et au début octobre 2016 par Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire apportent de nouveaux éléments. Ils ont en effet dégagé un tour de potier qui assure donc que l'on produisait des vases tournés à côté des lampes, et ils ont trouvé un nouveau four, probablement destiné à d'autres types de production et notamment des vases tournés. Le second atelier, qui fonctionnait au moment de l'éruption du Vésuve, est situé à l'extrémité d'une rangée de boutiques localisée devant la villa aux colonnes de mosaïque dans la nécropole de la Porta Ercolano. Vous voyez sur cette photo aérienne, la Porta Ercolano est ici, ce qu'on appelle la Via dei Sepolcri, qui traverse la nécropole. La villa aux colonnes de mosaïque est devant se trouve une rangée de boutiques précédées d'un portique. Les recherches effectuées dans le cadre d'un programme conduit par Sandra Zanella, Laetitia Cavassa, Nicolas Laubry et Nicolas Montex à partir de 2014 ont daté la construction de ce portique et de ces boutiques des lendemains de tremblements de terre de 62-63. L'atelier de potier occupait quatre pièces qui furent dégagées en 1838. Tout ce qu'on en savait se résumait à deux informations. Deux fours avaient été mis au jour et de nombreux vases appelés pignatini que l'on interprétait comme des poêlons en céramique commune. Les nouvelles fouilles de Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire ont clarifié à la fois la chronologie, la disposition interne des lieux, la chaîne opératoire et la nature de la production. Il suffit de rappeler aujourd'hui que la seule production attestée par la découverte de vases encore crus trouvés dans les lapillis de l'éruption est celle des gobelets à parois fines qui, du fait de leur bas prix, trouvaient encore une clientèle malgré la diffusion grandissante des vases en verre. Parmi les arts du feu, en effet, celui de la verrerie devient, au 1er siècle de notre ère, très important. En effet, on a su très tôt utiliser la pâte de verre pour réaliser des récipients moulés, que ce soit des flacons à parfum de luxe, des bols et des coupes, voire des pixines. Mais encore à l'époque hellénistique, il s'agissait de produits de luxe que l'on trouve dans les tombes aristocratiques, comme par exemple la fameuse tombe des Ors de Canos, datée du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'innovation technique que représenta l'invention du verre soufflé, probablement en Syrie au cours du Ier siècle avant Jésus-Christ, et la production en masse de verre brut en Syrie et en Égypte à partir du début de l'Empire romain, créèrent les conditions d'une production de masse. La forte demande existant en Italie dans la seconde moitié du Ier siècle avant Jésus-Christ a entraîné, d'une part, des importations de verrerie orientale et surtout l'émigration volontaire ou forcée, selon que ces artisans étaient libres ou esclaves, de verriers de la région de Sidon qui s'implantèrent en Italie. Là, sous la pression de la demande, ils perfectionnèrent leur art et créèrent de nombreuses formes nouvelles et des décors multicolores. Les verriers fabriquaient aussi bien des vases à boire que des coupes, des assiettes, des bouteilles, des urnes destinées notamment à recueillir les cendres mortuaires et des quantités considérables de flacons à parfum qui supplantent les conteneurs en céramique au cours du premier quart du premier siècle après Jésus-Christ. Dès avant la fin du premier siècle, avant notre ère, Strabon, au livre 16, paragraphe 2-25, déclarait à Rome, il s'invente chaque jour de nouvelles compositions, de nouveaux procédés pour colorer le verre et pour simplifier la fabrication. Et l'on est parvenu ainsi à obtenir une imitation de cristal tellement bon marché qu'un verre à boire avec sa soucoupe ne coûte pas plus qu'une pièce de cuivre. Voilà donc une invention qui s'est répandue très vite, car diffusant une production significativement meilleure pour un coût acceptable, et cette invention a changé totalement les habitudes de consommation, surtout dans le domaine du vin et des parfums. Au moment de l'éruption du Vésuve, la verrerie était un produit de consommation courante, très largement fabriqué. Les derniers niveaux de Pompéi ont livré des milliers de vases. La publication récente de Lucius Catozza, l'Instrumentum Vitreum di Pompei, paru à Rome en 2012, a compté plus de 2000 vases uniquement dans les dépôts de Pompéi, faisant abstraction des verres conservés au Museo Archeologico Nazionale de Naples et de très nombreux verres cassés, dispersés ou perdus depuis le début des fouilles. À cela s'ajoutent les vitres, très utilisées dans les thermes. Nous avons vu que les thermes suburbains en comportaient et que les thermes centraux en construction en 79 avaient été conçus pour recevoir de grandes baies vitrées orientées vers l'ouest. Or, nous connaissons bien désormais la structure de production et du commerce du verre au premier siècle de notre ère. Le verre brut, obtenu avec du sable fondu autour de 1100 degrés en présence d'un fondant tel que le natron, était fabriqué en grande quantité en Syro-Palestine, et je vous renvoie à Pline, Histoire naturelle, livre 36, paragraphe 194, et en Égypte, où Strabon nous rappelle sa production. De ces régions, il était exporté en lingots par bateau vers les cités portuaires. Ces dernières les redistribuaient dans chaque agglomération qui, dès le premier siècle de notre ère, avait des ateliers de verriers. Par exemple, dans la colonie romaine d'Avenches, située sur le plateau suisse, quatre fours sont datés entre 40 et 70 après Jésus-Christ. Les artisans réalisaient des vases par soufflage dans de petits fours d'environ 50 cm de diamètre à l'intérieur. Une lampe à huile trouvée à Acéria en Dalmatie montre un verrier au travail devant un four à une seule ouverture, mais il n'est pas exclu que des fours aient eu plusieurs ouvertures pour permettre à plusieurs verriers de prendre le verre en fusion et de le souffler en même temps. Pompéi devait donc compter plusieurs verriers qui approvisionnaient la ville et sa campagne. Mais jusqu'à présent, aucun atelier n'a été découvert. Tout au plus a-t-on trouvé dans l'insula occidentalis de la région 7 un bloc de verre brut qui assure l'importation des lingots destinés à être refondus Et dans la maison de l'insula 8 de la région 1, une panse d'amphore dresselle de 4, remplie de tessons, de gobelets de verre, ce que l'on appelle le cassin en termes techniques. Une telle découverte montre, s'il en était besoin, qu'il existait un marché de la récupération du verre, comme de tous les autres matériaux recyclables, dans une économie marquée par la pénurie. Les ateliers de verriers devaient donc être localisés ailleurs que dans le centre-ville, probablement dans les faubourgs, où le prix de l'immobilier était plus favorable et l'approvisionnement en combustible plus facile que dans la ville intramuros. On a pu penser que le four de la boutique 13 du complexe situé en façade de la villa aux colonnes mosaïques, dans la nécropole de la Porte à Ercolane, cette même série de boutiques où se trouvait l'atelier de potier dont je viens de parler, on a pu penser donc que cette boutique 13 comportait un four de verrier. En effet, il comporte 6 ouvertures latérales faites de cols d'amphore qui auraient pu, à la rigueur, malgré leur étroitesse, convenir pour la fabrication de petits objets tels que les flacons à parfum, si nécessaires pour les cérémonies funéraires. Mais cette option vient d'être exclue par la fouille réalisée en 2015 par Sandra Zanella et Nicolas Montex. Ils n'ont en effet mis au jour aucune de ces gouttes de verre fondu qui sont les déchets obligatoires d'une telle activité. En revanche, on connaît quelques boutiques de Pompéi et d'Herculanum qui vendaient de la vaisselle en verre à côté des céramiques. À Pompéi, elles étaient concentrées autour du forum et furent malheureusement dégagées sans aucun soin à partir de 1818. Une boutique de vente de céramique sur le côté occidental du marché contenait des lampes et des jarres à huile. Sur le côté nord du Macellum, un autre commerce vendait des lampes et dans la même rue qui mène au Temple de la Fortune, une boutique a livré 670 carafinettes, nous disent les journaux de fouilles de l'époque, et d'autres flacons de diverses grandeurs. Vu la particularité et l'abondance de ces petits flacons, ce pourrait être en fait une parfumerie plutôt qu'un vendeur de verrerie, comme le suggère une peinture de la maison des Vettilles, où vous voyez derrière le parfumeur une armoire qui est remplie de ces flacons de parfum en verre. À Herculanum, une boutique partiellement fouillée sur le Decumanus Maximus en 1961 a livré 63 objets, dont 46 en verre, une partie étant encore dans une caisse qui n'avait pas été déballée. En résumé, cet artisanat local de la verrerie, qui était en pleine croissance sous les Fabiens, n'a pas laissé à Pompéi de traces autres que les produits finis, soit en vente dans les boutiques, soit en usage chez les particuliers. C'est une leçon qu'il conviendrait de retenir lorsque nous interprétons l'ensemble de l'économie. Venons-en maintenant à un secteur qui laisse des traces indubitables, celui de la métallurgie. Il n'y a bien sûr pas d'atelier de fusion des minerais de cuivre ou de plomb ou de réduction du fer à Pompéi. Ces activités demandaient beaucoup de combustible et mettaient en œuvre des quantités importantes de minerais. Elles étaient donc réalisées à l'extérieur des villes, au plus près des gisements eux-mêmes. On trouve donc à Pompéi uniquement des ateliers secondaires qui transformaient des produits semi-finis en objets tels que clous, outils, statuettes, récipients en alliage cuivreux ou en plomb, tuyauterie, etc. Le travail des métallurgistes portait sur 3 métaux principalement, le fer, le plomb et les alliages cuivreux, dont le bronze. Le travail de l'or et de l'argent par des orfèvres et des bijoutiers n'est guère connu que par des inscriptions qui les mentionnent, d'ailleurs rarement. On en a 2 exemples au CIL 4, numéro 710 et 8505. Ou bien par des peintures comme celle de la maison des Vettilles, mais on ne connaît pas leurs ateliers eux-mêmes, probablement situé vers le Férone et certainement non reconnu lors des dégagements anciens du début du XIXe siècle. Les ateliers de métallurgistes, notamment les forges pour le fer, étaient dans le centre de Pompéi de petite taille et répartis dans plusieurs quartiers de la ville, car ils répondaient à des besoins locaux, soit des habitants des quartiers, soit des agriculteurs venus des campagnes environnantes. Des ateliers plus importants existaient hors les murs, mais sont mal connus. Nous savons qu'il en existait un très important au nord de la porte à Vésuve, dans ce qu'on appelle le fond de Barbatelle. Un autre matériau essentiel est la peau. La peau des animaux abattus pour leur viande et à l'occasion des sacrifices a toujours été d'une grande importance, car le cuir, plus ou moins bien tanné selon les périodes, avait des usages multiples encore plus larges qu'aujourd'hui. On l'utilisait en effet non seulement pour les chaussures et les vêtements, mais aussi pour l'armement défensif et pour les machines de guerre. On l'utilisait également pour le harnachement, les chariots, les câbles et les conteneurs de vin et d'huile. Par exemple, des outres en peau de chèvre et de grands conteneurs en peau de bœuf. La ville comptait des bourreliers et des cordonniers tels que Marcus Nonius Campanus, qui tenait une taberna sutoria à l'angle de la Via degli Augustali. La demande en cuir était donc très grande, notamment de la part des ruraux, et on ne s'étonne pas que Pompéi ait eu plusieurs tanneries. Ce qui est étonnant, à contrario, c'est qu'on connaisse si peu de tanneries en dehors de Pompéi, alors qu'elles étaient certainement très nombreuses. Venons-en rapidement au textile, dont la filière est fondamentale en ce sens qu'elle produit des vêtements nécessaires à la vie de tous les jours. Nous savons que cette filière textile fut le premier moteur de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Or, c'est un artisanat difficile à identifier, car le textile est périssable. Je vous ai mis ici l'exemple d'une tunique que j'ai trouvée dans les fouilles d'un fort romain en Égypte, où les conditions de conservation permettent de retrouver des vêtements, mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. Donc le textile est périssable et les instruments utilisés pour le tissage sont principalement en bois et ne se conservent pas. Certes, certains métiers à tisser étaient équipés de pesons de céramique ou de plomb pour tendre les fils, mais c'est seulement un type de métier à tisser qui comporte ce type de vestiges. Le plus souvent, à l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons affaire à des métiers à deux barres et qui ne laissent absolument aucune trace. Pour restituer donc les procédés et l'activité économique, il faut observer les structures en amont et en aval du tissage. Dans le cas de la laine, trois étapes sont nécessaires de part et d'autre: le lavage et le dégraissage des toisons de mouton, le filage et la teinture du fil, afin qu'on puisse ensuite utiliser les fils de diverses couleurs pour tisser des vêtements décorés. Des ateliers de lavage de la laine brute ont été décelés à Pompéi, même si leur interprétation a été contestée. La fabrication du fil elle-même était omniprésente dans les foyers et ne demandait pas d'installation particulière, tout au plus des outils, des instruments tels que des fuseaux, dont on retrouve parfois la trace sous la forme de fusaïoles en terre cuite ou en os. En revanche, la teinture des fibres requiert des chaudières, des produits chimiques et un savoir-faire dont seuls des artisans spécialisés disposaient. Les dernières étapes de la fabrication des vêtements, le foulage et la finition pour la vente, prenaient place dans des fouleries que Microflore a étudiées récemment, arrivant à la conclusion que ces ateliers étaient principalement consacrés à une activité de service, c'est-à-dire le nettoyage et la remise à neuf des vêtements déjà portés, et seulement secondairement à la finition des habits neufs. Il suffit pour l'instant de rappeler que ce secteur de production est au cœur d'une polémique sur le rôle économique de Pompéi en tant que ville productrice ou en tant que ville de consommation, et j'y reviendrai donc à plusieurs reprises. Un autre artisanat, difficile à déceler dans des conditions normales et pourtant essentiel pour le monde agricole, est celui de la vannerie. Là encore, les usages étaient multiples. Paniers et corbeilles, bien sûr, mais aussi meubles, tels que des fauteuils. Vous avez ici un exemple d'un fauteuil à nosier sur une sculpture conservée au musée de Cologne, en Allemagne, des caisses de chars, des clés pour sécher les fruits, notamment les figues, des cribles à farine, des vents pour vanner le grain, des faisselles pour les fromages, des scourtins pour les pressoirs à huile, etc. La liste est longue et je vous renvoie à la somme écrite par Magali Culin-Mingo, La vannerie de l'Antiquité romaine, les ateliers de vannier et les vanneries de Pompéi, Herculanum et Oplantis, paru à Naples en 2010. Et notamment à la troisième partie de son ouvrage consacrée aux objets en vannerie, dont la nomenclature latine est illustrée et discutée grâce à l'iconographie et aux découvertes archéologiques faites dans les villes du Vésuve. Le travail des Tegetarii, fabricants de nattes, a été éclairé par les fouilles de la maison de la région 1, insula 14, numéro 2. Ce secteur de la ville commença à être dégagé en 1954, non dans un but scientifique, mais dans le but de récupérer des lapillis, c'est-à-dire les pierres ponces, pour effectuer des travaux publics. À cette époque, le jardin fut sommairement déblayé, puis, en 1958, la partie sud de la maison. Le dégagement de la partie nord fut complété en 1992, mais n'a pas fait l'objet d'un rapport détaillé. Les fouilleurs de l'époque, De Simone et Salvatore Cironapo, ont identifié l'atelier grâce à l'existence d'un long bassin de rouissage et à des accumulations de végétaux carbonisés qu'ils ont laissés en place. Magali Mingo a repris la fouille en 2003-2005 en donnant une publication claire et complète. Nous savons grâce à elle que l'atelier fut installé dans une maison dont la façade en grand appareil de calcaire remonte probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La maison fut largement remaniée à la fin du IIe siècle lorsqu'on construisit un atrium et un oecus à décor d'opus signinum incrusté de tesselles de mosaïque. Après le tremblement de terre de 62-63, la demeure fut restaurée et un décor du quatrième style fut exécuté dans l'atrium et dans l'oecus. C'est donc dans les dernières années précédant l'éruption que cette maison fut probablement achetée plutôt que louée par un vannier. Ce dernier utilisa les anciennes pièces d'apparat et la cuisine pour stocker les végétaux et il fit bâtir un long bassin pour les faire tremper. Alors, nous voyons ici l'ancien oecus, le portique, le long bassin qu'il fit construire, et il utilisa donc tout ce secteur pour stocker les végétaux que l'on voit représentés ici, et tels qu'ils étaient en 1992 au moment des premiers dégagements. Vous voyez ici le long bassin qui est évidemment parfaitement adapté pour faire tremper les végétaux que le vannier utilisait. Il travaillait donc dans l'oecus et sous l'ancien portique adjacent au bassin. Il y fabriquait des nattes en chaume de graminées tendues sur des cadres de bois de saule et de sapin. L'artisan habitait à l'étage où il avait fait construire, en même temps que le bassin, un escalier pour y accéder. En 79, la partie sud de la maison était en mauvais état, l'atrium était devenu une entrée, peut-être un magasin. En 1958, on y mit en effet au jour une pile de nattes prêtes à la vente. La découverte de matériaux de construction stockés dans les pièces autour de l'atrium montre que l'artisan prévoyait d'effectuer de nouveaux travaux afin de la rendre habitable. La vannerie pourrait donc lui avoir procuré des revenus, certes modestes, mais suffisants pour envisager ses travaux. Un autre artisanat omniprésent est encore plus difficilement observable, c'est celui du bois. Les scieurs de long, c'est-à-dire ceux qui débitent les planches, sont connus seulement par une peinture représentant une procession religieuse. On entrevoit les menuisiers fabriquant des huisseries et des meubles derrière leur réalisation conservée à Herculanum, où des meubles ont été préservés par carbonisation. Et à Pompéi même, où il est parfois possible de mouler les meubles, car vous savez que lorsqu'on fait les dégagements dans les cendres volcaniques et que l'on trouve une ouverture, un trou dans les cendres, on coule du plâtre ou de la résine de façon à effectuer un moulage et après les dégagements, on se trouve en face soit d'une porte, soit d'un meuble, soit d'un corps dont la disparition a laissé un creux à l'intérieur de la couche de cendre. Enfin, les ébénistes pourraient être aussi décelés par des déchets de taille des ossements qu'ils utilisaient pour des incrustations dans les meubles. Autant dire peu de choses. On ne connaît pas une seule menuiserie qui pourtant serait détectable par des déchets d'os, mais aussi par des outils spécifiques, notamment des scies et des rabots. Il aurait donc été possible de déceler ces menuiseries par une meilleure attention apportée aux outils en fer qui ont souvent été dédaignés. Dans la Casa del Fabbro, dans la région 1, insula 10, numéro 7, la découverte dans le péristyle et dans les pièces ouvrant sur lui d'outils en fer tels que compas, forêts, limes et scies, ainsi que des ébauches et des déchets de fabrication de pièces décoratives en os, a permis à Nicolas Montex d'identifier la présence d'une équipe d'ébénistes au moment de l'éruption. Certaines pièces auraient été consacrées au tournage des os, notamment pour réaliser des charnières de meubles, mais cette interprétation a été rendue possible uniquement parce que le dégagement de la Casa del Fabbro est relativement récente, en 1933, et assez bien documenté par quelques photographies. On remarquera toutefois qu'une partie des objets ont disparu depuis, victimes de la corrosion, car ils n'ont pas été traités. Au vu des vestiges retrouvés, on comprend que les fouilles anciennes aient totalement ignoré les traces des artisanats du bois, et il faut donc admettre que nous avons perdu toute chance d'en mesurer la place. Collège de France et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi. Aujourd'hui, panorama de l'artisanat. Venons-en à l'artisanat des parfums sur lequel je serai bref car j'y ai consacré une série de cours en 2012-2013 et que je viens de publier avec Xavier Fernandez, un livre intitulé « Parfums antiques de l'archéologue au chimiste » paru à Milan en 2015, et dans lequel vous trouverez tous les détails si vous le souhaitez. Sans rappeler ici les usages multiples des parfums, vecteurs de séduction, médicaments, intermédiaires entre les hommes et les dieux, substances indispensables pour les funérailles, je résume ce que l'on sait de l'industrie du parfum à Pompéi. Tout un savoir-faire séculaire, remontant aux Grecs et aux Étrusques, fut renouvelé au cours des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ par l'arrivée de spécialistes orientaux. Comme la Campanie, par ses huiles fines, par ses cultures de roses et par ses importations de résines orientales disposées d'abondantes matières premières, tous les paramètres étaient en place pour favoriser l'essor d'une industrie locale portée par la demande de l'élite urbaine. Les premières boutiques de parfumeurs devaient être situées sur le Forum, à partir du IIe siècle au moins. Ces boutiques, dégagées par Amedeo Maiori, ont été fouillées en 1935. Elles comportaient des cuves, certaines avec une amphore utilisée comme cuvette de puisage. Plutôt que des fouleries, Maiori pensait à des commerces alimentaires où l'on aurait stocké des grains ou des légumineuses. C'est irréaliste, car on stocke les grains et les légumineuses dans des sacs et non dans des cuves, et les commerces alimentaires se trouvaient alors dans le marché couvert qui est situé au nord-est du Forum. Il est éminemment regrettable que le mobilier trouvé à cette occasion ne soit pas décrit. Les recherches liées à la pose du câble électrique, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois le long du Forum, ont en effet mis au jour, entre autres, des unguentaria, c'est-à-dire des flacons à parfum de grande taille, qui indiquent que c'est sur le Forum que se trouvaient les parfumeurs avant qu'il ne soit déplacé dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans la Via des Augustales. Certaines cuves donc dégagées par Amedeo Maiori pourraient avoir servi à la décantation des huiles utilisées pour les parfums, mais en l'absence d'analyse, on ne peut rien affirmer. Ces cuves ont tout aussi bien pu servir pour saler des poissons, ce qui évidemment n'a pas la même odeur. Vers la fin du IIe siècle ou au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc, une partie des parfumeurs s'établit dans la Via des Augustales au nord du marché et ils se multiplièrent à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le tremblement de terre de 62-63 entraîna l'abandon de certaines boutiques, mais des ateliers tels que celui situé en 7-4-24, ces ateliers furent rapidement reconstruits et prospérèrent jusqu'à l'éruption. Les parfumeurs étaient en prise avec les innovations techniques. Les reconstructions, après le tremblement de terre, fournirent l'opportunité d'équiper les ateliers avec des presses à vis centrales qui avaient été alors récemment inventées. Lors des fouilles franco-espagnoles que nous avons conduites en 2011-2013, nous avons pu mettre au jour dans les boutiques qui longent la Via degli Augustali des niveaux de parfumerie qui sont donc très nettement antérieurs à l'éruption du Vésuve, puisque des fosses remplies de flacons à parfum, celles-ci en contenaient plus d'une centaine, sont datables du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et nous suivons cet artisanat jusqu'au moment de l'éruption du Vésuve, et notamment après le tremblement de terre, où, comme je vous l'ai dit, cette boutique, qui était déjà une parfumerie avant le tremblement de terre, est reconstruite immédiatement après, probablement en 65, et dotée alors d'un pressoir à vis, d'une technologie qui était, à cette époque-là, extrêmement récente. Plusieurs parfumeurs du 1er siècle de notre ère sont connus par des inscriptions et une affiche. Là, ici, vous voyez une photo d'une peinture de la Casa des chairs et qui me présente la fabrication de l'huile à parfum et l'enfleurage de l'huile à parfum sur un petit fourneau. Et donc plusieurs de ces parfumeurs qui sont connus par des inscriptions, nous les connaissons par leur nom, et nous connaissons aussi leur activité politique, si l'on peut dire, par une affiche qui était peinte à l'entrée de la Via degli Augustali, qui montre qu'ils prennent collectivement part à la propagande électorale en faveur de certains candidats à l'édilité, dont un certain Modestus. Donc tout cela nous permet de certifier qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, tout le secteur situé au nord du Forum, le long de la Via des Augustales et peut-être près des thermes du Forum, était occupé par des parfumeurs qui fabriquaient leurs parfums devant leur clientèle et évidemment le vendaient. Donc nous allons examiner l'artisanat du bâtiment et qui concerne donc la mise en œuvre des matériaux par les maçons, les charpentiers et les peintres. Les maçons dont nous voyons les réalisations partout en ville sont difficilement saisissables car ils n'ont pas d'atelier mais des chantiers qui laissent peu de traces. Des outils de maçons ont été trouvés ça et là au cours des dégagements mais vous ne serez pas surpris si je vous le dis qu'ils n'ont pas été systématiquement notés. Bien souvent aussi, on trouve des réserves de chaux témoignant de travaux en cours et des fouilles minutieuses, comme celle de William Van Andringa dans le temple de la Fortune Auguste, peuvent parfois déceler des implantations d'échafaudage, mais au bout du compte, ces vestiges sont le plus souvent anecdotiques. On voit se succéder, au fil du temps, des techniques de construction qui signent leur époque. Le papamante, dont nous avons souvent parlé, c'est-à-dire cette lave, ce tuve volcanique utilisé principalement à l'époque archaïque, avec le pisé, le grand appareil de calcaire, donc l'opus quadratum, l'opus africanum, surtout au 3e et au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, les façades en tuf volcanique, l'opus incertum au 1er siècle et au 2e et au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'opus quasi raticulatum et reticulatum au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, puis les maçonneries à parements de tuiles plates à partir d'Auguste et surtout après le tremblement de terre. C'est une périodisation bien connue et je ne m'étends pas dessus car vous trouverez tout cela dans tous les manuels, mais je voudrais insister sur le fait que cette évolution tend vers une standardisation des matériaux en amont, c'est-à-dire à la carrière et dans les briqueteries, afin de faciliter et d'accélérer la pose. Si une technique de construction ne chasse pas brusquement l'autre, il est clair que les méthodes apprises et les façons de travailler évoluent dans le temps et qu'on ne construit plus à l'époque augustéenne comme au 3e siècle avant Jésus-Christ, ce qui invalide, comme nous l'avons vu, la datation proposée pour la façade en bloc de calcaire de la Casa di Amarantus. Ces évolutions se sont faites par évolution interne, par la dynamique créée par la construction des édifices publics et par des influences véhiculées par la venue d'artisans étrangers à la ville. Le cas le plus ancien, bien sûr, est le temple dorique du 6e siècle, mais on peut aussi citer l'exemple de la construction de la basilique à la fin du IIe siècle ou celle du théâtre couvert vers 70 avant Jésus-Christ. Ces influences posent la question des rapports entre les constructions destinées aux particuliers et celles des édifices publics. La Lex des Parieti Faciendo, CIL 10-1781 et ILS 53-17, précise les relations entre les magistrats de la colonie de Pouzol et un rédemptor, c'est-à-dire l'entrepreneur, chargé de construire un mur d'enceinte près du temple de Sérapis en 105 avant Jésus-Christ. Elle détaille les clauses du contrat et énonce les exigences des commanditaires. Il ne fait pas de doute que les particuliers avaient les mêmes types d'exigences et intervenaient directement dans le choix des matériaux et dans leur mise en œuvre dans le contexte technique de leur époque. Celles-ci évoluèrent avec l'arrivée, par exemple, de maçons venus du Latium après la déduction de la colonie en 80, et on leur doit notamment l'utilisation d'échafaudages à boulins qui n'étaient pas pratiqués jusqu'alors. Dans le contexte de l'architecture publique et des constructions privées de qualité, la taille de la pierre tenait une place essentielle. Et c'est d'abord le calcaire qui est utilisé, puis surtout le tuf volcanique dit de Nocher, et également le marbre qui furent travaillés par des artisans qui taillaient les blocs, les moulures, les colonnes, les bases, les chapiteaux, etc. Un programme d'études sur cette question, porté par le Centre Jean Bérard, est en cours à l'initiative des architectes Guillaume Chapelain et Guillaume Vincent. Outre les artisans mettant en œuvre les pierres, il faut aussi rappeler la place des équipes de charpentiers nécessaires à toute construction, pour les charpentes elles-mêmes, mais aussi pour les échafaudages et pour les machines de levage. Les charpentiers sont parmi les artisans les plus loués pour leur savoir-faire, par exemple chez Apuley, et dans les inscriptions. Ils sont singulièrement absents des témoignages archéologiques. Tout au plus trouve-t-on quelques outils en fer pouvant leur avoir appartenu. Mais on voit bien, là encore, combien notre vision est faussée par la disparition, évidemment, des matières organiques et singulièrement du bois. Mieux documentés sont les peintres. Toutes les maisons possédaient des peintures plus ou moins élaborées et de nombreuses équipes de peintres, comportant des maîtres et des ouvriers, se succédèrent au cours des siècles, depuis les peintures de style samnite jusqu'au IVe style. Ce n'est pas le lieu ici d'y revenir, beaucoup d'ouvrages y sont consacrés, dont celui d'Alix Barbé, la peinture murale romaine, les styles décoratifs pompéens, paru en 2009, auquel je vous renvoie. Mais il faut dire un mot du modèle économique de cet artisanat qui a été bien explicité par Domenico Esposito dans un article qui s'appelle « Il sistema economico e produttivo della pittura romana a Pompei » paru dans « Les savoirs professionnels des gens de métier », étude sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l'Empire romain, paru à Naples en 2011. L'auteur rappelle que les peintres des fresques murales n'étaient pas considérés comme des artistes, mais bien comme des artisans copiant des œuvres célèbres et animant les parois avec des compositions stéréotypées. Seules les peintures de chevalet, les portraits notamment, étaient considérées comme un art noble. Au moment de l'éruption de Vésuve, plusieurs équipes de peintres étaient au travail. Par exemple, dans la maison du Ciacello Iliaco en 1-6-4 et dans les maisons 1-16-3 ou dans celle des bien nommés des peintres au travail, Pittori al lavoro, en 9-12-9, où on a trouvé des amphores pleines de chaux et des coupes contenant des couleurs. L'étude des détails techniques et des motifs montre que chaque équipe avait ses particularités, et même si le sujet de la peinture était choisi par le commanditaire, l'exécution trahissait des facilités techniques. Ainsi, les travaux pouvaient être rapidement exécutés par des ouvriers qui étaient spécialisés dans telle ou telle partie. Des ateliers, comme celui qui opérait dans les alentours de la Via di Castriccio, étaient spécialisés dans des peintures d'une gamme moyenne utilisant peu de scènes figurées. Ils devaient s'adresser à des propriétaires de la plèbe moyenne, alors que l'officine qui a peint la maison des Vettilles s'octroyait la décoration d'autres maisons de l'élite urbaine et des monuments publics. Le siège d'un de ces ateliers, probablement celui qui opérait justement Via di Castriccio, a été dégagé en 1952 par Amedeo Mairui dans la maison 199. L'habitation, ensevelie par l'éruption, a livré plus de 150 pots de peinture. C'est une habitation toute en longueur, composée de trois pièces, desservie par un couloir débouchant dans une arrière-cour. Les fouilles reprises par Marie du Fraulibre, en 2001-2003, ont amené la découverte d'autres récipients avec des restes de couleurs, ainsi que des plaques de terre cuite polychrome et des outils de peintre, comme ce couteau. Ces recherches ont surtout prouvé que l'atelier, actif en 1979, avait déjà une longue histoire, puisqu'il fut installé dans cette maison dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il faut donc imaginer une succession, soit familiale, de père en fils, soit par des esclaves remplaçant les maîtres et héritant du savoir-faire et des locaux. Cette entreprise artisanale s'adressait surtout aux clients du quartier et réalisait, je vous l'ai dit, des peintures courantes, quelquefois plus élaborées, selon la demande des commanditaires. La découverte dans la maison 1-16-3, où les peintres travaillaient en 79, d'une règle qui semble avoir été utilisée pour le dessin des architectures en perspective, montre le degré de technicité et de connaissance que possédaient les maîtres peintres de cette équipe, pourtant d'un modeste niveau artistique. Une autre règle en ivoire a été découverte dans une maison proche en 1-6-3. La découverte de coquilles d'œufs associées à une palette et à des tessons utilisés pour polir la surface des tableaux indique que l'atelier, outre les peintures murales, était aussi capable de réaliser des tableaux de chevalet, probablement des portraits sur bois, qui ont malheureusement disparu au moment de la catastrophe finale. Mais vous connaissez bien les nombreux portraits sur bois qui ont été retrouvés en Égypte, notamment dans le Fayoum, et ça vous donne une idée du type de portrait qu'on pouvait faire à l'époque. Au final, on se trouve, pour une fois, devant un cas rare d'artisanat dont on connaît désormais la chronologie, la localisation, les techniques, les matières premières, grâce aux analyses de François Delamarre, les clients et les réalisations. Manque encore la détermination du statut de ces artisans, qu'on imagine indépendants, car occupant une maison modeste sans aucun lien avec une grande propriété. Pour plus de détails sur cet artisanat, bien entendu, je vous renvoie aux publications de Marie Truffaut-Libre, et en particulier le dernier article qu'elle a écrit avec Isabelle Bruni, Sébastien Daré et toute son équipe, qui s'appelle « Peinture et perspective à Pompéi, un ensemble d'objets liés au travail pictural » et qui est paru en 2013 dans la Rivista di Studi Pompeiani. Après ce rapide tour d'horizon des artisanats liés au bâtiment, nous en arrivons maintenant à une grande catégorie qui est l'artisanat lié à la préparation des aliments. C'est un secteur très important car, évidemment, il est à la fois lié à la préparation des aliments que l'on peut manger directement, mais aussi à la préparation des conserves, qui est tout à fait essentielle dans toute économie. Commençons d'abord par les tavernes et les restaurants. Beaucoup de boutiques de denrées alimentaires ont été mises au jour à Pompéi. En incluant les bars servant de la nourriture et du vin et les auberges, on en compte 158 sur un total de 1431 locaux d'habitation et de travail, soit environ 11%. L'ancienneté des dégagements ne permet pas de comprendre toutes leurs fonctions. Les achats de produits de base, poissons, viandes et légumes, se faisaient quotidiennement au marché permanent situé à l'angle nord-est du forum et également dans le marché qui se tenait tous les 10 jours sur le forum. Mais les artisans transformant les produits alimentaires étaient dispersés dans toute la ville, sur les rues principales et notamment près des portes. Ces boutiques comportent des comptoirs de vente, souvent ornés de plaquages de marbre, qui incluent presque toujours des jarres scellées dont l'embouchure affleure le comptoir. Selon Nicolas Montex, dans son ouvrage de 2010 sur Herculanum et dans ses écrits postérieurs, Sédolia aurait contenu des denrées alimentaires sèches, telles que des lentilles, des vesses et des pois chiches, que l'on aurait utilisées pour cuire des soupes ou des plats servis chauds dans la salle ou des plats à emporter. Je pense personnellement que les Dolia, ces jars, au moins une partie d'entre eux, contenaient du vin en vrac que l'on servait à la demande à l'aide d'une mesure. Vin que l'on servait évidemment additionné d'eau, que l'on maintenait chaude, notamment en hiver, dans des chaudières en cuivre, comme c'est le cas dans la taverne d'Azellina, où vous voyez ici, dans l'angle du comptoir, une chaudière. Quoi qu'il en soit, ces tavernes où les pauvres venaient s'approvisionner et se restaurer comportaient souvent des fourneaux destinés à la cuisson des aliments. Et cette transformation de la nourriture fait donc des exploitants de ces boutiques de véritables artisans. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'archéologue Jean-Pierre Brun le 18 octobre 2016, le développement urbain de Pompéi, aujourd'hui panorama de l'artisanat. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Il a publié avec Xavier Fernandez « Parfums antiques de l'archéologie au chimiste » chez Sylvana à Milan. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Demain, nous poursuivrons l'histoire de l'évolution urbaine de Pompéi en compagnie de l'archéologue Jean-Pierre Brun et son panorama de l'artisanat. Et dans quelques instants, voici Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.